15, 12, observation, achat. Dans un bureau de tabac. Je voudrais un timbre. Est-ce que vous avez des timbres? Est-ce que je pourrais avoir un timbre, s'il vous plaît? Un timbre, s'il vous plaît. Voilà. C'est combien? Ça fait combien? Je vous dois combien? Combien est-ce que je vous dois? 4 francs 20. C'est 4 francs 20. Ça fait 4 francs 20.